Chapitre 32e. Je ne sais quelle espèce d'individu messieurs de Sartine et le Noir employaient pour faire la police des voleurs. Mais ce que je sais bien, c'est que sous leur administration, les filous étaient privilégiés, et qu'il y en avait bon nombre dans Paris. Monsieur le lieutenant-général se souciait peu de les réduire à l'inaction. Ce n'était pas là son affaire. Seulement il n'était pas fâché de les connaître, et de temps à autre, quand il les savait habiles, il les faisait servir à son divertissement. Un étranger de marque venait-il visiter la capitale? Vite, monsieur le lieutenant-général mettait à ses trousses la fleur des filous, et une récompense honnête était promise à celui d'entre eux qui serait assez adroit pour lui voler sa montre ou quelque autre bijou de grand prix. Le vol consommé, monsieur le lieutenant-général en était aussitôt averti, et quand l'étranger se présentait pour réclamer, il était émerveillé, car à peine avait-il signalé l'objet que déjà il lui était rendu. Monsieur de Sartine, dont on a tant parlé, et dont on parle tant encore à tort et à travers, ne s'y prenait pas autrement, pour prouver que la police de France était la première police du monde. De même que ses prédécesseurs, il avait une singulière prédilection pour les filous, et tous ceux dont il avait une fois distingué l'adresse étaient bien certains de l'impunité. Souvent, il leur portait des défis. Il les mandait alors dans son cabinet, et lorsqu'ils étaient en sa présence, « Messieurs, leur disait-il, il s'agit de soutenir l'honneur des filous de Paris. On prétend que vous ne ferez pas tel vol. » La personne est sur ses gardes, ainsi prenez vos précautions et songez bien que j'ai répondu du succès. Dans ces temps d'heureuse mémoire, monsieur le lieutenant-général de police ne tirait pas moins vanité de l'adresse de ses filous que feu l'abbé Sicard de l'intelligence de ses muets. Les grands seigneurs, les ambassadeurs, les princes, le roi lui-même étaient conviés à leurs exercices. Aujourd'hui, on parie pour la vitesse d'un coursier. On parie alors pour la subtilité d'un coupeur de bourse, et dans la société souhaitait-on s'amuser, on empruntait un filou à la police, comme maintenant on lui emprunte un gendarme. Monsieur de Sartine en avait toujours dans sa manche une vingtaine des plus rusés, qu'il gardait pour les menus plaisirs de la cour. C'étaient d'ordinaire des marquis, des comtes, des chevaliers, ou tout au moins des gens qui avaient toutes les manières des courtisans, avec lesquels il était d'autant plus aisé de les confondre qu'au jeu, un même penchant pour l'escroquerie établissait entre eux une certaine parité. La bonne compagnie, dont les mœurs et les habitudes ne différaient pas essentiellement de celles des filous, pouvait, sans se compromettre, les admettre dans son sein. J'ai lu dans des mémoires du règne de Louis XV qu'on les priait pour une soirée, comme de nos jours on prie, l'argent à la main, le célèbre prestidigitateur, monsieur comte ou quelque cantatrice en renom. Plus d'une fois, à la sollicitation d'une duchesse, un voleur réputé pour ses bons tours fut tiré des cabanons de Bicêtre. Et si, mis à l'épreuve, ses talents répondaient à la haute opinion que la dame s'en était formée, il était rare que pour se maintenir en crédit, peut-être aussi par galanterie, monsieur le lieutenant-général n'accorda pas la liberté d'un sujet si précieux. À une époque où il y avait des grâces et des lettres de cachet dans toutes les poches, la gravité d'un magistrat, quelque sévère qu'il fût, ne tenait pas contre une espièglerie de coquin, pour peu qu'elle fût comique ou bien combinée. Dès qu'on avait étonné ou fait rire, on était pardonné. Nos ancêtres étaient indulgents et beaucoup plus faciles à égayer que nous. Ils étaient aussi beaucoup plus simples et beaucoup plus candides. Voilà sans doute pourquoi ils faisaient tant de cas de ce qui n'était ni la simplicité ni la candeur. À leurs yeux, un roué était le nec plus ultra de l'admirable. Ils le félicitaient, ils l'exaltaient, ils aimaient à compter ses prouesses et à se les faire compter. Ce pauvre cartouche, quand on le conduisit à la grève, toutes les dames de la cour fondaient en larmes. C'était une désolation. Sous l'Ancien Régime, la police n'avait pas deviné tout le parti que l'on peut tirer des voleurs. Elle ne les regardait que comme moyen de récréation, et ce n'a été que plus tard qu'elle imagina de remettre entre leurs mains une portion de la vigilance qui doit s'exercer pour la sûreté commune. Naturellement, elle eut donné la préférence aux voleurs les plus fameux, parce qu'il était probable qu'ils étaient les plus intelligents. Elle en choisit quelques-uns dont elle fit ses agents secrets. Ceux-ci ne renonçaient pas à faire du vol leur principal moyen d'existence, mais ils s'engageaient à dénoncer les camarades qui les seconderaient dans leurs expéditions. À ce prix, ils devaient rester possesseurs de tout le butin qu'ils feraient, sans que l'on pût les rechercher jamais pour les crimes auxquels ils auraient participé. Telles étaient les conditions de leur pacte avec la police. Quant au salaire, ils n'en recevaient point. C'était déjà une assez grande faveur que de pouvoir se livrer à la rapine impunément. Cette impunité n'expirait qu'avec le flagrant délit, lorsque l'autorité judiciaire intervenait, ce qui était assez rare. Longtemps, on avait admis dans la police de sûreté que des voleurs non encore condamnés ou libérés. Vers l'an 6 de la République, on y fit entrer des forçats évadés qui briguaient les emplois d'agents secrets afin de se maintenir sur le pavé de Paris. C'étaient là des instruments fort dangereux, aussi ne s'en servait-on qu'avec une extrême défiance, et dès l'instant qu'ils cessaient d'être utiles, on se hâtait de s'en débarrasser. D'ordinaire, on leur décochait quelques nouvel agent secret qui, en les entraînant dans une fausse démarche, les compromettait et fournissait ainsi le prétexte de leur arrestation. Les Richard, les Cliquet, les Mouifarine, les Beaumont et beaucoup d'autres, qui avaient été des limiers de la police, furent tous reconduits au bagne où ils ont terminé leur carrière, accablés des mauvais traitements que leur prodiguaient d'anciens compagnons qu'ils avaient trahis. Alors, c'était l'usage, les agents faisaient la guerre aux agents et le champ restait aux plus astucieux. Une centaine de ces individus que j'ai déjà cités, les Compères, les César Bioc, les Longueville, les Simon, les Boutet, les Goupy, les Cocolacour, les Henri Lamé, les Doré, les Guillet, dit Bombance, les Cadet Paumé, les Mingot, les Dalisson, les Édouard Gorot, les Isaac, les Maillère, les Cavin, les Bernard Lazare, les Lanlaire, les Florentins, les Cadet Herrier, les Gaffray, les Manigans, les Nazon, les Levesque, les Bordary, faisaient en quelque sorte la navette dans les prisons où ils s'envoyaient les uns les autres, s'accusant mutuellement, et certes, ce n'était pas à faux, car tous volaient, et il fallait bien qu'ils fussent coutumés du fait. Sans le vol, comment aurait-il vécu, puisque la police ne s'inquiétait pas de pourvoir à leur subsistance? Dans l'origine, les voleurs qui voulurent avoir deux cordes à leur arc furent en très petit nombre. L'accueil que dans les prisons l'on faisait aux faux frères n'était guère propre à les multiplier. Imaginez qu'ils étaient retenus par une sorte de loyauté, ce serait mal connaître les voleurs. Si la plupart d'entre eux ne dénonçaient pas, c'est qu'ils craignaient d'être assassinés. Mais bientôt il en fut de cette crainte comme de l'appréhension de tout péril qu'il est indispensable d'affronter, elle s'affaiblit graduellement. Plus tard, le besoin d'échapper à l'arbitraire dont la police était armée contribua à propager parmi les voleurs l'habitude de la délation. Lorsque, sans autre forme de procès, et seulement parce que c'était le bon plaisir de la police, on clapemurait jusqu'à nouvel ordre les individus réputés voleurs incorrigibles, dénomination absurde dans un pays où on n'a jamais rien fait pour leur amendement, plusieurs de ces malheureux, fatigués d'une détention dont ils n'entrevoyaient pas le terme, s'avisèrent d'un singulier expédient pour obtenir leur liberté. Les voleurs réputés incorrigibles étaient aussi, dans leur genre, une espèce de suspects. Réduits à envier le sort des condamnés, puisque du moins ces derniers étaient élargis à l'expiration de leur peine, afin d'être jugés, ils imaginèrent de se faire dénoncer pour de petits vols, que souvent ils n'avaient pas commis. Quelquefois même, le délit pour lequel ils désiraient être traduits leur avait été cédé, moyennant une légère rétribution, par le dénonciateur leur compère. Bienheureux alors ceux qui avaient des crimes à revendre. Ils vidaient plus d'un broc dans la cantine, à la santé de l'acquéreur de leurs méfaits. C'était un beau jour pour le dénoncé volontaire, que celui où il était extrait de Bicêtre pour être conduit à la force, moins beau pourtant que celui où, amené devant ses juges, il entendait prononcer une sentence en vertu de laquelle il ne serait plus enfermé que quelques mois. Ce laps de temps écoulé, sa sortie, qu'il attendait avec tant d'impatience, lui était enfin annoncée. Mais entre les deux guichets, des estafiers venaient se saisir de sa personne, et il retombait comme auparavant sous la juridiction du préfet de police qui le faisait écrouer de nouveau à Bicêtre où il restait indéfiniment. Les femmes n'étaient pas mieux traitées, et la prison de Saint-Lazare regorgeait de ces infortunés que des rigueurs illégales réduisaient au désespoir. Le préfet ne se lassait pas de ces incarcérations, mais il vint un moment où, faute d'espace, il dut songer à déblayer les cachots, ceux du moins où les hommes étaient entassés. Il fit en conséquence suggérer à ces prétendus incorrigibles qu'il dépendait d'eux de mettre fin à leur captivité et qu'on délivrerait sur le champ des feuilles de route à tous ceux qui demanderaient à prendre du service dans les bataillons coloniaux. Aussitôt il y eut une foule d'enrôlés volontaires. Tous étaient persuadés qu'on les laisserait rejoindre librement. On le leur avait promis. Mais quelle ne fut pas leur surprise quand la gendarmerie vint s'emparer d'eux pour les traîner de brigade en brigade jusqu'à leur destination. Dès lors, les prisonniers ne durent plus être très empressés d'endosser l'uniforme. Le préfet, s'apercevant que leurs ailes s'étaient tout à coup refroidies, prescrivait au geôlier de les solliciter de s'engager, et s'ils refusaient, ce singulier recruteur avait ordre de les y contraindre à force de mauvais traitements. On peut être sûr qu'un geôlier, en pareil cas, fait toujours plus qu'on exige de lui. celui de Bicêtre sollicitait non seulement les prisonniers valides, mais encore ceux qui ne l'étaient pas. Point d'infirmité, quelque grave qu'elle fût, qui peut être à ses yeux un motif d'exemption. Tout lui convenait, les bossus, les borgnes, les boiteux et jusqu'aux vieillards. En vain réclamait-il. Le préfet avait décidé qu'il serait soldat et bon gré mal gré, on les transportait dans l'île d'Oléron ou de Ré, où des chefs choisis parmi ce qu'il y avait de plus brutal dans l'armée les traitaient comme des nègres. L'atrocité de cette mesure fut cause que plusieurs jeunes gens, qui ne se souciaient pas d'être soumis à un semblable régime, offrirent à la police de devenir ses auxiliaires. Coquelacour fut un des premiers à tenter cette voie de salut, la seule qui fut ouverte. On fit d'abord quelques difficultés de l'admettre, mais à la fin, persuadé qu'un homme qui hantait les voleurs depuis sa plus tendre enfance était une excellente acquisition, le préfet consentit à l'inscrire sous le contrôle des agents secrets. La cour avait pris l'engagement formel de devenir honnête homme. Mais pouvait-il persévérer dans cette résolution? Il était sans solde, et quand on a bon appétit, l'estomac crie souvent plus haut que la conscience. Être mouchard et n'être pas payé, je crois qu'il n'est pas de pire condition. C'est à la fois être mouchard et voleur. Aussi l'évidence de la nécessité établissait-elle contre les agents secrets une prévention qui les faisait toujours condamner, qu'ils fussent innocents ou coupables. Un brigand, pour se venger d'eux, s'avisait-il de les désigner comme ses complices, preuve ou non, il leur était impossible de se faire absoudre. Je pourrais rapporter une foule de circonstances dans lesquelles, bien qu'étrangers au crime pour lequel ils étaient traduits, des agents secrets ont succombé devant les tribunaux. Je me bornerai à consigner ici les deux faits suivants. M. Amar, accusateur public, se rendait à sa campagne. En descendant de voiture, il s'aperçoit que la bâche qui contenait ses effets a été enlevée. Furieux contre les auteurs de cet attentat, il se promet de mettre tout en œuvre pour parvenir à les connaître. Il veut appeler sur leur tête la sévérité des lois. C'était une peine correctionnelle qu'ils avaient encourue, mais M. Amar ne peut se résoudre à regarder comme simple délit un vol qui s'est commis à son préjudice. Le châtiment serait trop doux. C'est un crime qu'il lui faut, et à cet effet, il présente une requête au grand juge afin de faire décider cette question si l'effraction après le vol consommé constitue une circonstance aggravante. M. Amar provoquait une décision affirmative et elle fut rendue telle qu'il la désirait. Sur ces entrefaites, les voleurs, dont l'audace avait allumé la bile du criminaliste, furent découverts et arrêtés. Ils avaient été trouvés nantis et leur eût été difficile de nier. Mais ils soupçonnèrent un ancien confrère de les avoir dénoncés. C'était le nommé Bonnet, agent secret, ils le signalèrent comme leur complice, et Bonnet, quoiqu'innocent, fut ainsi qu'eux condamné à 12 ans de fer. Plus tard, deux autres agents secrets, Cadériès et Ledran, son beau-frère, ayant volé des malles et les ayant vidés pour s'en adjuger le contenu, les entreposèrent chez deux de leurs collègues, Tourmel père et fils, qui, signalés ensuite par eux à la perquisition, furent atteints et convaincus d'un larcin dont les dénonciateurs seuls avaient eu les profits. Soit à Bicêtre, soit à la force, il ne se passait pas de jour que je ne visse arriver quelques-uns de ces messieurs et que je ne les entendisse se reprocher réciproquement leur turpitude. Du matin au soir, ces mouchards surnuméraires étaient à se quereller, et ce furent leurs ignobles débats qui me révélèrent combien le métier que j'allais embrasser était périlleux. Cependant, je ne désespérais pas d'échapper aux dangers de la profession, et toutes les mésaventures dont j'étais le témoin étaient autant d'expériences d'après lesquelles je me prescrivais des règles de conduite qui devaient rendre mon sort moins précaire que celui de mes devanciers. Dans le second volume de ces mémoires, j'ai parlé du juif Gaffré, sous les ordres de qui je fus en quelque sorte placé au moment de mon entrée à la police. Gaffré était alors le seul agent secret salarié. Je ne lui fus pas plutôt adjoint qu'il eut la fantaisie de se défaire de moi. Je feignis de ne pas pressentir son intention, et, s'il se proposait de me perdre, de mon côté je méditais de déjouer ses projets. J'avais affaire à forte partie. Gaffré était retors. Quand je le connus, on le citait comme le doyen des voleurs. Il avait commencé à 8 ans, et à 18 il avait été fouetté et marqué sur la place du Vieux Marché à Rouen. Sa mère, qui était la maîtresse du fameux Flambard, chef de la police de cette ville, avait d'abord tenté de le sauver. Mais quoiqu'elle fût l'une des plus belles Israélites de son temps, les magistrats n'accordaient rien à ses charmes. Gaffré était trop marron, trop coupable. Vénus en personne n'aurait pas eu la puissance de fléchir ses juges. Il fut banni. Toutefois, il ne sortit pas de France, et lorsque la Révolution eut éclaté, il ne tarda pas à reprendre le cours de ses exploits dans une bande de chauffeurs parmi lesquels il figura sous le nom de Caille. Ainsi que la plupart des voleurs, Gaffray avait perfectionné son éducation dans les prisons. Il était devenu universel, c'est-à-dire qu'il n'y avait point de genre de grinchir dans lequel il ne fût pas ses maîtres. Aussi, contre l'usage, n'adopta-t-il aucune spécialité. Il était essentiellement l'homme de l'occasion. Tout lui convenait, depuis l'escarpe jusqu'à la tire, depuis l'assassinat jusqu'à la filouterie. Cette aptitude générale, cette variété de moyens, l'avait conduit à s'amasser un petit pécule. Il avait, comme on dit, du foin dans ses bottes, et il aurait pu vivre sans travailler. Mais les gestes de la caste de Gaffray sont laborieux, et bien qu'il fût assez largement rétribué par la police, il ne cessait pas d'ajouter à ses appointements le produit de quelques aubaines illicites, ce qui ne l'empêchait pas d'être fort considéré dans son quartier, alors le quartier Martin, où, ainsi que son acolyte Francfort, autre juif, il avait été nommé capitaine de la garde nationale. Gaffray craignait que je ne le supplantasse, mais le vieux renard n'était pas assez habile pour me cacher ses appréhensions. Je l'observais, et ne tardais pas à découvrir qu'il manœuvrait pour me faire tomber dans un piège. J'eus l'air d'y donner tête baissée, et il jouissait déjà intérieurement de sa victoire, lorsque, voulant me monter un coup que je devinais, il fut pris dans ses propres filets, et par suite de l'événement, enfermé pendant 8 mois au dépôt. Je ne fis jamais connaître à Gaffray que j'avais soupçonné sa perfidie. Quant à lui, il continua de dissimuler la haine qu'il me portait, si bien qu'en apparence, nous étions les meilleurs amis du monde. Il en était de même de plusieurs voleurs agents secrets, avec lesquels je me liais pendant ma détention. Ces derniers me détestaient cordialement, et quoique nous fissions bonne mine, ils pouvaient se flatter d'être payés de retour. Goupy, le Saint-Georges de la Savate, était du nombre de ceux qui me poursuivaient de leur intimité. Constamment attaché à ma personne, il remplissait l'office du tentateur, mais il ne fut ni plus heureux ni plus adroit que Gaffray. Les compères, les manigans, les corvets, les boutelles et le loutre essayèrent aussi de jeter le grappin sur moi. Je fus invulnérable grâce au conseil de M. Henri. Gaffray, ayant recouvré sa liberté, ne renonça pas à son dessein de me compromettre. Avec manigans et compères, il complota de me faire payer, de me faire condamner. Mais persuadé que pour avoir échoué une première fois, il ne laisserait pas de revenir à la charge, j'étais sans cesse sur la défiance. Je l'attendais donc de pied ferme. Lorsqu'un jour, qu'une solennité religieuse devait attirer beaucoup de monde à Saint-Roch, il m'annonça qu'il avait reçu l'ordre de s'y rendre avec moi. « J'emmène aussi, me dit-il, les amis compères et manigans. » Comme on est informé que dans ce moment il existe à Paris beaucoup de voleurs étrangers, ils nous signaleront ce qui pourrait être de leur connaissance. « Emmenez qui vous voudrez, » lui répondis-je, et nous partîmes. Quand nous arrivâmes, il y avait une affluence considérable. Le service exigeait que nous ne fussions pas tous réunis sur un même point. Manigans et Gaffray allaient en avant. Tout à coup, dans l'endroit où ils sont, je remarque que l'on sert un vieillard. Pressé contre un pilier, le brave homme ne sait plus où donner de la tête. Il ne crie pas, par respect pour le saint lieu. Cependant, toute sa figure est bouleversée, sa perruque est en désarroi, il a perdu terre. Son chapeau, qu'il suit des yeux avec une notable anxiété, rebondit d'épaule en épaule, tantôt s'éloignant, tantôt se rapprochant, mais roulant toujours. « Messieurs, je vous en prie !» sont les seuls mots qu'il prononce d'un ton piteux. « Je vous en prie !» Et tenant d'une main sa canne à pomme d'or, de l'autre sa tabatière et son mouchoir, il agite en l'air de bras qu'il voudrait bien pouvoir amener à hauteur de sa ceinture. Je comprends qu'on lui soulève sa montre, mais que puis-je y faire? Je suis trop éloigné du vieillard. D'ailleurs, l'avis que je donnerais serait tardif, et puis Gaffray n'est-il pas témoin et acteur de cette scène? S'il ne dit rien, sans doute qu'il a ses motifs pour se taire. Je pris le parti le plus sage, je gardai le silence, afin de voir venir, et dans l'espace de 2 heures que dura la cérémonie, j'eus l'occasion d'observer 5 ou 6 de ces presses factices dans lesquelles j'apercevais toujours Gaffray et Manigan. Ce dernier, qui est aujourd'hui au bagne de Brest, où il subit une condamnation à 12 années de fer, était à cette époque un des plus rusés filous de la capitale. Il excellait à faire passer l'argent de poche des autres dans la sienne. Pour lui, la transmutation des métaux se réduisait à un simple déplacement qu'il opérait avec une incroyable agilité. La petite séance qu'il fit dans l'église de Saint-Roch ne fut pas des plus productives. Cependant, sans compter la montre du vieillard, elle avait fait entrer dans son gousset 2 bourses et quelques autres objets de peu de valeur. La cérémonie terminée, nous allâmes dîner chez un traiteur. Les fidèles faisaient les frais de ce repas, rien n'y fut épargné. On but copieusement, et au dessert, on me mit dans la confidence de ce qu'il eût été impossible de me cacher. D'abord, il ne fut question que des bourses, dans lesquels on trouva 175 francs, espèces sonnantes. La carte payée, il restait 100 francs, et l'on m'en donna 20 pour ma part, en me recommandant la discrétion. Comme l'argent n'a pas de nom, je crus qu'il n'y avait pas d'inconvénient à accepter. Les convives se montrèrent enchantés de m'avoir affranchi, et deux flacons de bonne furent vidés pour célébrer mon initiation. On ne parla pas de la montre. Je n'en dis rien non plus pour ne pas paraître plus instruit que l'on voulait que je ne le fusse. Mais j'étais tout yeux et tout oreille, et je ne tardais pas à acquérir la certitude que la montre était au pouvoir de Gaffray. Alors je me mis à contrefaire l'homme ivre, et prétextant un besoin, je pris le garçon de service de me donner l'indication qui m'était nécessaire. Il me conduisit, et dès que je fus seul, j'écrivis au crayon un billet ainsi conçu. Gaffray et Manigan viennent de voler une montre dans l'église Saint-Roch. Dans une heure, à moins qu'ils ne changent d'idée, ils passeront au marché Saint-Jean. Gaffray est porteur de l'objet. Je descendis en toute hâte, et tandis que Gaffray et ses complices me croyaient encore au cinquième étage, occupé de mettre du cœur sur le carreau, j'étais dans la rue d'où j'expédiais un courrier à M. Henry. Je remontais sans perdre de temps. Mon absence n'avait pas été trop longue. Quand je reparus, j'étais hors d'haleine et rouge comme un coq. On me demanda si je me sentais soulagé. « Oui, beaucoup, » balbutiai-je en tombant presque sur la table. « Tiens-toi donc, » me dit Manigan. « Il voit double, » observa Gaffray. « Est-il pompette ?» reprit compère. « L'est-il ? Mais le grand air le remettra. » On me fit donner de l'eau sucrée. « Nom de Dieu ! » m'écriai-je. « De l'eau, à moi, de l'eau !»« Oui, prends, ça te fera du bien, tu crois ?» Je tends mon bras. Au lieu de saisir le verre, je le renverse et il se brise. Je me livrai ensuite à quelques lazis d'ivrognes qui égayèrent la société, et quand je supposais que M. Henry avait eu le temps de recevoir ma dépêche et de prendre ses mesures, je revins insensiblement à mon sang-froid. En nous retirant, je vis avec plaisir que notre itinéraire n'était pas changé. Nous nous dirigeâmes en effet vers le marché Saint-Jean. Il y avait là un corps de garde. Lorsque j'aperçus de loin les soldats assis devant la porte, je doutais d'autant moins que leur présence sur la voie publique ne fût le résultat de mon message que l'inspecteur ménager était en observation derrière eux. Quand nous passâmes, ils vinrent à nous, et nous prenant poliment par le bras, ils nous invitèrent à entrer au poste. Gaffray ne pouvait s'imaginer ce que cela signifiait. Il supposait que les soldats étaient dans l'erreur. Il voulut argumenter, on le somma d'obéir, et bientôt après, il fallut se soumettre à la fouille. Ce fut par moi que l'on commença. L'on ne trouva rien. Vint ensuite le tour de Gaffray. Il n'était pas à son aise. Enfin, la fatale montre sort de son gousset. Il est un peu déconcerté, mais au moment où on l'examine, et surtout lorsqu'il entend le commissaire dire à son secrétaire, « Écrivez, une montre entourée de brillants. » Il pâlit et me regarde. Avait-il quelques soupçons de ce qui s'était passé? Je ne le pense pas, car il était convaincu que j'ignorais le vol de la montre, et de plus, il était certain que même en étant instruit, puisque je ne l'avais pas quitté, je n'aurais pu manger le morceau. Gaffray, interrogé, prétendit avoir acheté la montre. On fut persuadé qu'il mentait. Mais la personne volée ne s'étant pas présentée pour réclamer, il ne fut pas possible de le condamner. On le retint néanmoins administrativement, et après un assez long séjour à Bicêtre, il fut envoyé en surveillance à Tours, d'où il revint plus tard à Paris. Ce scélérat y est mort en 1822. Dans ce temps, la police avait si peu confiance en ses agents, qu'ils n'étaient sorte d'expédients auxquels elle ne recourut pour les éprouver. Un jour, on me détacha Goupil qui vint me faire une singulière proposition. « Tu sais bien, me dit-il, François le cabaretier. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux, nous lui arracherons une dent. Et comment cela? Voilà déjà plusieurs fois qu'il s'adresse à la préfecture pour obtenir la permission de rester ouvert une partie de la nuit. On lui a toujours refusé. Et je lui ai donné à entendre qu'il ne dépendrait que de toi de lui faire accorder ce qu'il demande. Tu as eu tort, car je ne puis rien. Tu ne peux rien. Belle nouvelle. Certainement, tu ne peux rien, mais tu peux toujours le bercer de l'espoir que tu le feras obtenir. C'est vrai. Mais que lui en reviendra-t-il? Dis plutôt que nous en reviendra-t-il. François, si tu t'y prends bien, est un messire qui financera. Il est déjà averti que tu fais la pluie et le beau temps dans l'administration. Il a bonne opinion de toi. Ainsi, pas de doute, il jouera du pouce à la première réquisition. Tu penses qu'il lâchera la monnaie? Si je le pense, mon ami, il se fiche autant de 600 francs comme d'un liard. Nous empoignerons les enjeux, c'est le point essentiel, après on le promène. À la bonne heure, mais s'il se fâche, eh bien, on l'envoie promener. Au surplus, ne t'inquiète pas, je me charge de tout. Pas de broderie, pas d'écrit, par exemple. Tu connais le proverbe? Les écrits sont des mâles et les paroles sont des femelles. c'est ça, autant n'emporte le vent, point de reçu, et en pochon. Et mille yeux ! Oui, arrive qui plante, c'est des choux, on est quitte pour nier. En attendant, je vais battre au comptoir, et il faudra bien qu'il aboule. Goupil me prend alors la main, et me la serrant dans la sienne, il continue. Je me rends de ce pas chez François, je t'annoncerai pour ce soir. Je serai censé t'avoir donné rendez-vous pour 8 heures, et tu ne viendras qu'à 11, parce que, soi-disant, tu auras été retardé. À minuit, on nous dira de sortir. Alors tu feras semblant de t'en formaliser, et François saisira l'occasion pour te pousser la botte. Tu es un homme d'estoc, le reste va sans dire. Au revoir. Au revoir, répondis-je. Nous nous séparâmes. Mais à peine étions-nous dos à dos que Goupil revint sur ses pas. « Ah ça, me dit-il, tu sais qu'à des fois la plume vaut mieux que le pigeon. Il me faut de la plume ou sinon. » Soudain, prenant une attitude disloquée, ouvrant une bouche énorme, balançant ses mains à 6 pouces du sol comme s'il voulût raser le pavé, il compléta la menace par une retraite de corps et par une avancée des jambes dans lequel la mobilité de ses pieds n'était pas ce qu'il y avait de moins grotesque. « C'est bien, dis-je à Goupil, tu ne m'avaleras pas. Nous partagerons, c'est convenu. Foi de Grinche ? Oui, sois tranquille. » Goupil prit aussitôt le chemin de la courtille où il allait assez fréquemment, et moi celui de la préfecture de police où j'instruisis M. Henri de la proposition que l'on m'avait faite. « J'espère, me dit ce chef, que vous ne vous prêterez pas à cette intrigue. » Je lui protestai que je n'étais nullement disposé. Il témoigna qu'il me savait bon gré de l'avoir averti. « Actuellement, ajouta-t-il, je vais vous donner une preuve de l'intérêt que je vous porte. » Et il se bat pour prendre dans son casier un carton qu'il ouvrit. « Vous voyez qu'il est plein ? Ce sont des rapports contre vous, il n'en manque pas. Et pourtant je vous emploie. C'est que je ne crois pas un mot de ce qu'ils disent. » Ces rapports étaient l'œuvre des inspecteurs et des officiers de paix qui, par esprit de jalousie, m'accusaient de voler continuellement. C'était là leur refrain, c'était aussi celui des voleurs que j'avais fait prendre en flagrant délit. Ils me dénonçaient comme leur complice. Mais quand de toutes parts de défavorables préventions me rendaient accessible, je défiais la calomnie, je bravais ses atteintes, et ses traits venaient se briser contre le rempart d'airain d'une vérité qui, à force d'alibi incontestable ou d'impossibilité d'un autre genre, devenait resplendissante d'évidence. Accusé chaque jour pendant 16 ans, jamais je ne fus traduit. Une seule fois je fus interrogé par M. Vigny, juge d'instruction. La plainte qui m'avait amené devant lui offrait quelques probabilités, je n'eus qu'à paraître, elle s'évanouir, et je fus renvoyé sur le champ.